équipe de Haltech. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profitent de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incitent à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. On va parler de course automobile. C'est la rétrospective de l'année de la course automobile avec un autre de nos collaborateurs, c'est Patrick Carpati. Salut Pat! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Patrick, d'abord, si on parlait de la F1, c'était la première année de la course automobile, et Lance Stroll depuis 1996 faisait son entrée en F1. Comment t'as trouvé la performance de Lance Stroll? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a été critiqué beaucoup en début de saison, mais écoute, le gars, il a 18 ans, là. Et c'était pas facile, tu passes aux ligues majeures, apprendre des circuits que la plupart tu connaissais pas, dans des voitures que tu connaissais pas, rouler à 300 km à l'heure. C'est sûr qu'il y a deux choses. La manière que tu compares le pilote, tu le compares avec son coéquipier. Et il était souvent retard à Philippe Massa, mais Massa, c'est un très bon pilote. T'as peu, là. Oui, Massa, c'est un très bon pilote. Sauf que, je dirais là-dessus que Massa est un peu plus lent que Valtteri Bottas, qui est maintenant, lui, plus lent que Lewis Hamilton, souvent, tu sais. Fait que, tu vois qu'il y a différentes catégories, différents niveaux. C'est sûr que Lewis Hamilton, c'est un peu un Schumacher ou Ayrton Senna de la F1 ce moment. Mais, écoute, pour Lance, début de saison difficile. Si on résume la saison complète, là, je te dirais, en début de saison, les trois premières épreuves, il a pas réussi à les terminer. Donc ça lui a mis vraiment beaucoup de pression de ce côté-là. Puis évidemment, Massa était beaucoup plus rapide en début de saison. Lance a réussi à terminer devant Massa sur 20 courses, 6 fois, je crois, cette saison-ci, là, 5 ou 6. Là. Donc, en moyenne, c'est pas beaucoup, sauf que Massa a beaucoup plus d'expérience. Il faut pas oublier que les voitures cette année avaient beaucoup de puissance. Ben oui, beaucoup plus qu'on l'a vu. C'était une année de changement cette année aussi. C'était une année de changement F1. Oui, c'était une année de changement. On a redonné vraiment beaucoup d'adhérence, beaucoup de puissance, de l'appui aérodynamique aux voitures. Donc, ça ressemblait beaucoup plus aux voitures qu'on avait dans le passé, dans les années d'Ayrton Senna et ainsi de suite, en 2004, je te dirais, 2000. Donc, de ce côté-là, c'était assez impressionnant parce qu'on a battu des records sur beaucoup de circuits. On était vraiment, tu parlais pas plus vite d'une demi-seconde, là, tu parlais de plusieurs secondes. Donc, une voiture plus difficile à apprendre, plus difficile à piloter, limitée au niveau des essais. C'est certain qu'on lui a fait faire des essais dans la vieille voiture, mais tu parles pas des années de Jacques a réussi à faire au-dessus de 5000 km pendant la saison hivernale. Fait que c'est pas la même affaire du tout. Sauf que ce que je regarde, c'est qu'en fin de saison, Lance, je trouve qu'il a vraiment bien fait. C'est vraiment rapproché de Felipe Massa. Commençait à être plus solide. Puis d'ailleurs, au niveau du championnat, Massa a terminé 11e, puis Lance Stroll a terminé 12e. Donc, c'est pas mal ce que Lance avait à faire cette saison-ci. Puis il a fait un excellent travail. OK. Si, moi, je prévois une deuxième année plus intéressante. Il va être moins stressé. Patrick, tu l'as été. Toi, c'est sûr, tu étais en NASCAR, en IndyCar, puis tu n'avais pas 18 ans quand tu es arrivé en IndyCar. Tu avais quoi? Tu avais 22, 23 ans, si je me rappelle. Quelque chose moi, comme je pense ça. 24 même à part de ça. Ouais. Même 24. T'aurais-tu vu à 18 ans rentrer dans le grand cycle de la F1? Toi, là? C'est quelque chose. Mais ouais, tu parles pas ça, de la même. T'sais, tu parles pas de la même époque non plus de ce côté-là. Là, oui. Si tu regardes comparativement avant, mais c'est jeune, écoute. Mais sauf qu'il y a des jeunes qui sont entrés. Comme Verstappen, et boum, il est rentré, puis tout de suite, comme on dit, sur le gros gaz, tu sais. Fait que c'est des époques différentes, c'était une voiture différente, un peu plus lente, puis c'est très, très, non, très mais c'est pas juste ça non plus, c'est un monde d'adultes, là. Écoute, là, c'est les commanditaires, c'est tout. C'est d'apprendre les circuits, c'est d'apprendre les réglages, puis surtout quand F1, tu sais, rappelle-toi, mais quoi que l'histoire, ça avait acheté une F1, là. Pour faire des essais. Mais rappelle-toi, Jacques Villeneuve, la première année qu'il est rentré en F1, comment il avait roulé? Tu sais, Lance a roulé, mais sauf qu'aujourd'hui, les essais privés, on n'a plus le droit d'en faire autant. Tu sais, ça joue aussi, là. Oui, exactement. Oh non, c'est vraiment une époque. Il n'est pas différent. C'est là que ça devient hyper difficile. C'est comme en NASCAR. Essayer de comparer Richard Petty à Jimmy Johnson, c'est pas du tout la même époque, la même affaire, la même réglementation. Donc, c'est vraiment difficile. Mais moi, je trouve que, écoute, ils ont fini côte à côte au niveau du championnat. Ouais. Fait que, tu sais, Massa n'a pas dominé tant que ça. Puis en fin de saison, il y a eu une épreuve là, que Lance n'a pas terminé. Mais au Mexique, il a bien fait aussi. Là, il avait super bien roulé. Donc, c'était une année aussi en F1. Championnat, normalement, c'est tout le temps en dernière année. Pas dernière année, mais la dernière course, c'est-à-dire. Et Lewis Hamilton a gagné 2 à 3 courses le championnat avant. Donc, ça a fait une fin de saison assez plate. Merci. Oui, exactement. Écoute, Lewis Hamilton, moi, je te dirais, je le compare vraiment au Schumacher et Senna. Puis d'ailleurs, c'est à Montréal qui a battu un des records de Ayrton Senna. Puis ça avait été une bonne course à Montréal cette année. On avait eu droit à un bon spectacle, surtout en qualification. Mais sauf que, écoute, Hamilton, ils ont beau mettre n'importe qui à côté de lui. Bottas, on en parlait tout à l'heure, qui était plus rapide que Massa. Il a gagné la dernière course, Bottas, mais sauf que avant qu'il gagne la dernière épreuve, là, écoute, Hamilton l'avait mis dans sa petite poche d'en arrière, comme on dit. Donc, pour moi, Hamilton, il a la meilleure équipe. Il s'entend bien, tout fonctionne bien, il est pratiquement imbattable en ce moment. Les Mercedes sont très, très, très forts. Ils laissent Ferrari puis les autres s'approcher un peu, mais sauf que je pense qu'ils en ont toujours un peu plus que les gens pensent. Là, OK. Dans leur poche. En NASCAR, Dale Earnhardt Jr., c'était une saison de Dale Earnhardt Jr. qui. C'est une page d'histoire qui s'est tournée avec sa retraite, là. Oui, c'est vraiment une page d'histoire qui a tourné avec la retraite de Dale Jr., mais sauf que, honnêtement, ça n'a pas été la saison qu'il aurait voulu connaître. Il est content, puis je le sais qu'il l'est, parce qu'il avait vraiment peur au niveau des commotions, puis de tout ce qui s'est passé auparavant. Là, t'sais, fait que surtout pendant Talladega, en fin de saison, il avait bien peur d'être impliqué dans un crash, mais... Quelle saison! On a eu droit à toute une course, la dernière épreuve en NASCAR. Ouais. Moi, ce que j'aime du NASCAR, c'est que tu sais jamais qui va gagner. Tout peut arriver jusqu'à la fin. Tout peut changer. Puis surtout, là, cette année, ils ont rajouté 3 segments dans la course. Fait que les points sont importants, autant que les victoires, autant que... Fait qu'on dirait que ça se bat tout le temps. La seule critique, je dirais, de NASCAR... C'est que moi, on dit que des fois, les épreuves sont un petit peu trop longues. Ah, c'est 3h30, 4h. Ouais. Dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est un petit peu trop. C'est dans l'heure parce qu'il y a vraiment beaucoup d'action. C'est trop, je veux dire, c'est assez. Oui. C'était vraiment un an terminé. En 2017 également, ce qu'il faut renoter, c'est le fiasco, on va le dire. Tu étais directement impliqué de la Formule E. Ça a coûté les élections de Denis Coderre. On ne se contente pas d'histoire. Patrick, comment tu vois ça? Moi, c'est sûr que tu étais mal placé, mais je t'ai entendu au 91 dire que c'était un peu de notre faute. Dans le fond, là, est-ce que c'était mal organisé, c'était mal préparé? Il y a quelqu'un qui a dit, puis j'ai tendance à être d'accord avec, nous l'ont rentré dans la gorge, on ne le voulait pas nécessairement. Si on aurait moussé la FE et que les gens le désirent, tu sais, quand tu as 5000 personnes qui achètent des billets ou sur une. C'est un fiasco, là. Puis qu'on donne le trois quarts des billets sont donnés pour montrer. Ouais, mais sauf que c'est pas un fiasco tant que ça. T'sais, on va reculer à la F1 qui devait être à Tarnac, qui l'a emmené sur le Notre-Dame. Les coûts que ça l'a emmené de faire ce circuit-là, les coûts qu'on a dû dépenser, puis que ça l'a coûté pendant des années pour bâtir justement la F1, mais c'est un peu la même chose. T'sais, moi, je comparais ça à ça, puis c'est pour ça que je trouve ça malheureux qu'on n'a pas honoré l'entente contractuelle, parce que les dépenses avaient été faites, les murs ont été achetés, les choses, le gros de la dépense, selon moi, avait été fait la première année. Fait que ça, j'étais un peu déçu de ce côté-là. Puis De la façon qu'on a peut-être, tu sais, je sais pas, moi, j'ai pas été à Montréal, Patrick, mais j'en ai entendu parler en masse, là, mais de la façon, tu sais, il y a du monde qui a eu de la misère à rentrer chez eux, c'était bordélique. C'est ça qui a mis les gens en colère, je pense, là-dedans. Ça l'a pas aidé non plus, là. Il y aurait pas eu moyen de faire ça différemment? Ça l'a pas aidé. Oui, il y aurait moyen de faire ça différemment, mais ça l'a pas aidé. Mais comme j'expliquais en début de saison, la première année, c'est normal. Faut que tu repères, faut que tu fasses le circuit, faut que tu fasses que ça a été trop long. T'sais, ça a été trop long pour les gens, les commerçants. Je pense qu'il aurait fallu lui donner des kiosques sur le circuit, justement, pour qu'ils puissent vendre les produits, faire des choses. Parce que malgré qu'on a donné des billets, il y avait vraiment beaucoup de monde autour du circuit. Les estrades étaient pleines. Les gens qui sont allés à 90% ont adoré. Il y avait plein d'activités pour les enfants, mais ça a été trop long. Ça a été mal planifié peut-être de ce côté-là. Sauf que si on y avait donné une deuxième année, on serait aperçu qu'après monter le circuit au complet, ça aurait pris 2 semaines. Fait que c'est là qui est la différence. Mais on l'a pas passé la première année. Mmh. On a juste eu le mauvais côté. Puis à un moment donné, le mouvement était tellement négatif. Ben, nous autres, je me rappelle, à la télévision, il fallait tout le temps défendre puis débattre. Puis où il y a eu erreur, un peu, d'après moi, c'est pourquoi qu'on ne l'a pas dit, qu'on les donnait les billets. J'ai jamais compris ça. Pourquoi qu'on n'a pas dit, écoute, on n'en vendra pas gros, c'est la première année, c'est normal, faut investir, ça va prendre du temps. Maintenant, on a caché le chiffre pendant longtemps. Ça a coûté les élections de Denis Coderre, ça. C'est carrément ça. Ah, ben écoute, ça a été... Les gens aiment pas ça, tu sais, ils sont tannés quand c'est pas clair, puis ça prend des changements de ce côté-là, malheureusement. Puis c'est Denis Coderre qui a écopé de ce côté-là. Mais cette épreuve-là, écoute, moi j'y crois encore autant que j'y ai cru. Ben, je pense que il y a tellement d'argent qui s'en va là-dedans dans 2 ans. La nouvelle voiture où tu n'auras plus besoin de changer de voiture en milieu de course, qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus puissante, qui arrive pas cette année, mais l'année prochaine. Fait que, tu sais, il y avait bien des belles choses qui s'en venaient. Peut-être qu'il aurait fallu mettre le circuit à un autre endroit, autour des studios Mills, par exemple, ou je sais pas où, ce que moins, ça aurait moins dérangé les gens, mais t'aurais été quand même autour de la ville. Ça, oui, c'était faisable, mais sauf que la ville a voulu se retirer une année, puis la série a pas voulu. Donc, ils ont enlevé le contrat. Mais t'as raison, par contre. Je pense que quelque part, l'erreur que ça s'est faite, Pat, tu me diras si tu le corriges, je me trompe, c'est parce que dans une couple d'années, ça va être probablement dans 10 ans qui risque d'être la formule la plus intéressante. Tu sais, je t'en ai parlé, la journée qu'ils vont avoir un pilote de pointe qui va faire le grand saut. Moi, j'aurais pensé que la formule aurait pu engager un Fernando Alonso, peut-être pas un Hamilton ou un Vettel, mais Alonso est encore un très bon pilote, là. Et tu sais, mettre le paquet pour l'emmener en FE, Je pense que la FE aurait gagné en crédibilité. Parce que là, c'est Buemi, c'est Nick Heidfeld, c'est Nelson Piquet Junior. Tu vends pas une formule avec ça, là. Non, exactement. T'sais, plus ça va aller, plus ils vont attirer des pilotes rapides parce que les pilotes vont aller où l'argent allait. T'sais. Puis dans les années qui s'en viennent, ben écoute, l'argent s'en va définitivement vers la formule électrique. Tu parles de Mercedes, tu parles de BMW, de Audi, de Jaguar, Nissan qui viennent d'embarquer. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des sous de ce côté-là. Puis là, t'as Bruno Spengler qui va effectuer des essais pour BMW. Tu sais, je trouve que le timing est tellement mauvais pour l'arrêter, mais d'un autre point, je connais pas les finances de la ville. Tu sais, fait que est-ce que la ville il y a de la politique aussi là-dedans. Oui. Tu sais, fait que ça, c'est toutes des questions malheureusement que je peux pas répondre. Mais tu sais, il y a des parce que quelque part, on veut se dissocier des politiques de Denis Coderre. Je te dis qu'il y a de la politique là-dedans au travers de ça. Mais l'année aussi 2017, c'était l'année de Raphaël Lessard. Lui, c'est un nom que pas grand monde connaît encore, mais Raphaël Lessard, dans 2-3 ans, ça risque d'être une très grande vedette au Québec. 16 ans, comment t'as trouvé son année? Écoute, moi, j'adore Raphaël Lessard. Je pense qu'il y a des pilotes qui s'en viennent que j'aimerais tellement voir réussir en NASCAR du côté des États-Unis, d'affiliés à Toyota. C'est Robert Desrosiers qui travaille avec. Robert avait travaillé avec moi quand j'ai monté en NASCAR. C'est un peu le protégé de Kyle Busch, si on veut, aussi. Fait que lui, Kyle l'argent, il n'y aura pas de problème. Lui. Ben, écoute, cette année, ce qui a été difficile du côté de Raphaël, puis ça fait partie du plan un peu que j'ai parlé avec cet été, c'est qu'on lui a fait faire beaucoup de séries, des séries différentes, pas nécessairement beaucoup de séries, mais chaque week-end, il était à une place différente, avec des compétiteurs différents, des voitures un peu différentes. Fait qu'à un moment donné, ça, là, c'est tellement difficile, puis surtout quand t'as pas nécessairement beaucoup d'expérience comme un Kyle Busch ou un des pilotes comme ça, c'est très, très, très dur, tu sais, fait que ça a été une saison de ce côté-là, je te dirais, un petit peu plus difficile pour Raphaël, mais si tout va bien, puis on continue l'année prochaine, puis on réussit à le faire continuer, écoute, moi, c'est un pilote qui est très, très talentueux, puis que j'aimerais vraiment, avec un mot du bon coup de volant, tu sais, j'aimerais ça le voir réussir. Patrick, il me reste quelques secondes pour 2018, donc superment, on va à la pause, puis je veux savoir ce que tu peux voir en 2018. Tu vas écouter de la rétrospective de l'année, la course automobile avec Patrick Carpentier. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC. Que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès. Et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. L'année 2018 s'en vient, Patrick. Qu'est-ce que tu prévois pour Lance Stroll? Est-ce que tu prévois une nette progression? On n'a pas encore officiellement le nom de son coéquipier. Qu'est-ce que tu prévois dans son cas? Mais pour Lance Stroll, écoute, que ce soit n'importe qui son coéquipier, ça va être important pour lui, surtout dans la deuxième saison. de rouler au moins d'égal avec le coach. Puis ça, ça va devenir d'une importance cruciale de ce côté-là, parce que comme tu mentionnais un peu plus tôt, on est toujours comparé à son coéquipier. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. C'est certain que William, c'est pas nécessairement les meilleures voitures du plateau en ce moment, donc faut pas s'attendre à le voir rivaliser avec Ferrari ou Mercedes ou Red Bull ou ces équipes-là. Donc ça, de ce côté-là, faut pas venir fou. Mais il a connu des bonnes épreuves cette année. Puis écoute, si William s'améliore un peu, puis il peut rouler avec son coéquipier, c'est là qu'on va le comparer. Pas nécessairement où on termine sur la grille, mais surtout comparativement à son coéquipier. Ok. Donc, hey, Alex Labbé devrait aller à Pinty's. Pinty's, c'est comme l'ancien Nationwide. À temps plein. Est-ce qu'Alex Labbé a le potentiel pour faire du Monster Energy à temps plein éventuellement? Ben, écoute, Alex Labbé, c'est toujours la même question, tu sais, que ce soit pour Raphaël, Alex ou n'importe qui. Ouais. C'est l'argent, puis c'est aux États-Unis que ça se passe, tu sais. Alex, un grand talent, c'est quelqu'un de très sympathique. Il a connu une excellente saison cette année, mais encore là, quelle voiture qu'on va y offrir, quel genre de moteur qu'on va avoir dans la voiture, comment ça va être compétitif, parce que j'ai aucun doute qu'il peut rouler à l'avant si la voiture est excellente, mais c'est quelle voiture qu'il va avoir, avec quelle équipe, je pense que c'est avec l'équipe de Martin Roy, mais est-ce que Martin va upgrader son équipement un peu, est-ce qu'on va avoir des meilleurs moteurs, donc c'est difficile à prévoir de ce côté-là. Okay. Patrick, il me reste qu'à te souhaiter une belle période des fêtes, beaucoup de santé, de bonheur et beaucoup de courses automobiles en 2018. Ben, t'es bien gentil, merci à toi. Notre collaborateur de courses automobiles, Patrick Carpentier.